Allô? Oui, c'est à moi. Voilà. Donc, bonsoir. Donc, nous nous trouvons toujours, sur, comme tous les vendredis soirs, de 21h à 22h30, sur le site, enfin, sur Radio Air Libre, l'émission Tranche d'un art, l'émission anarchiste de Radio Air Libre. Notre adresse est toujours le 365A, Chaussée d'Alzenberg, 1190 Bruxelles. Notre numéro de téléphone, si vous voulez nous joindre, est le 02 344 58 55, 02 344 58 55. Alors ce soir, nous avons des invités. Je commence par qui ? Colline ? Oui, bonjour. Bonjour. Et tu viens d'où ? Je viens de Bruxelles. Oui. Voilà. Et je suis là pour témoigner en tant que citoyenne. D'accord. Nous avons Laura. Oui, bonsoir. Qui vient pour parler de l'initiative. Laura et Sarah, toutes les deux. Oui, bonsoir. Ok. Qui viennent témoigner de leur initiative citoyenne, si on peut appeler ça, oui. Ouais. Qui s'appelle Safe Space. Mm-hmm. Et qui met en contact des migrants avec des familles. Enfin voilà, c'est un site. Enfin, c'est une initiative que vous avez créée il y a à peu près un an ou deux ans. À peu près un an. Ouais. À peu près un an. Donc on va parler de tout ça. Et puis nous avons nos gens habituels, Gwendoline qui est de retour. Bonjour. Et puis Hans qui est là à la technique parce que notre cher conducteur d'autobus n'est pas là ce soir. Donc, on commence par un petit morceau de musique ou on commence déjà directement par quelque chose ? Je ne sais pas, c'est vous ? Voilà. What's the matter, people ? Solidarity. Solidarity. Everybody wants the same thing, don't they? Everybody wants a happy end. They wanna see the game on Saturday. They wanna be somebody's friend. Everybody wanna work for a living. Everybody wanna children warm. Everybody wants to be forgiven. They wanna shelter from the storm. Look at me, I ain't your enemy. Nobody likes to wait in a long line. Nobody likes being pushed around. Everybody wants a family protected. They want to express themselves. Everybody wants to live forever. Look at me, I ain't your enemy. Don't believe everything you hear. This is no time to fight each other. What we need, what we need. Solidarity, solidarity, solidarity, solidarity, solidarity, solidarity, solidarity. Bon, revoilà, on a encore un tranche d'un art sur le sujet de ce soir, ce sera Safe Space Initiative. Donc, bah voilà, vous avez, Laura et Sarah, vous avez ensemble créé cette initiative. Il y a pas mal de choses qui sont déjà expliquées sur votre site. Hein, donc, votre site, c'est ça, safespaceinitiative.wordpress.com. Mais quand même, il me reste plein de questions et quand même un peu plus curieux. D'où vient vraiment cette idée pour y lancer là-dedans? Et bon, comme j'avais déjà un peu pu le lire, vous avez quand même une expérience de travail plutôt professionnelle dans des associations qui aident aux migrants. Et donc, apparemment, c'est aussi de là que vous avez constaté pas mal de choses et que vous avez voulu faire maintenant dehors de votre boulot. Quand même aussi pas mal de choses. Bon, comment elle a été l'idée d'y commencer, ouais. En fait, l'idée vient d'une association qui existe à Londres, qui s'appelle Spare Room. Moi, j'ai travaillé à la Croix-Rouge britannique à Londres, au bureau d'aide des personnes réfugiées à Londres. Et souvent, quand on avait du mal à trouver des associations ou des hébergements officiels, on contactait cette association qui était un réseau de citoyens qui habite à Londres et qui existe depuis maintenant presque 30 ans, entre 20 et 30 ans, et qui avait littéralement un spare room, donc une chambre d'amis, une chambre disponible dans leur maison, qu'ils mettaient à disposition pour des périodes relativement longues, en fait, à Londres, voilà, pour des migrants et des migrantes qu'on arrivait à héberger nulle part d'autre. Et donc c'est vrai que quand je suis revenue à Bruxelles, c'est une idée qui me trottait dans la tête, de dire ben, il faudrait créer quelque chose d'équivalent à Bruxelles. Et moi, à l'époque, j'étais volontaire à la Croix-Rouge de Belgique à l'espace migrant à Bruxelles. Et régulièrement, on devait dire à des familles, même parfois qu'on ne trouvait rien pour les loger le soir même, et on les renvoyait à la rue. Et je me souviens même d'une famille en particulier, avec deux enfants vraiment en bas âge, qu'on n'a pas su aider le soir même, et qu'on a remis à la rue. Et du coup, ce soir-là, J'ai recontacté Laura et j'ai dit maintenant il faut qu'on y réfléchisse sérieusement et qu'on fasse quelque chose à Bruxelles. Mais ça, c'est il y a 5 ans. Et entre-temps, la vie a fait qu'on a entre nous deux 3 petits-enfants et qu'on travaille beaucoup. Donc l'idée était là depuis longtemps et c'est vraiment la crise de l'accueil en Belgique en 2015 que ça nous a... On s'est dit voilà, maintenant, ça y est, il faut qu'on arrête de tergiverser et qu'on se lance. Et Laura, pour toi, c'était... Ben oui, donc moi, c'était... l'idée était là, moins fort que Sarah, qui était déjà dans le vif du sujet depuis plus longtemps. Mais moi, quand j'ai travaillé au CIRE, donc qui est aussi une association qui fait du droit des étrangers, j'étais à l'accueil socio-juridique. Et donc, pareil, tous les matins, on était en permanence socio-juridique et on accueillait les personnes qui avaient besoin de poser une question quelconque par rapport au droit au séjour. Et il est arrivé très fréquemment, effectivement, d'avoir des situations où il y a un défaut de logement, ou des personnes qui n'ont plus le droit à l'accueil officiel et du coup, où on doit, comme Sarah l'a dit, les renvoyer dans la rue. Il y a eu des situations qui ont été un peu traumatisantes. Il y a eu des situations où on a trouvé des solutions... alternative via des réseaux, via des personnes qui voulaient bien héberger, mais il y a toujours eu quand même une lacune et un stress quand même par rapport à ça. Et donc, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment eu aussi envie de me lancer dans l'aventure avec Sarah, et on a réfléchi longuement, surtout au cadre, comment poser l'association, et ça a vraiment longuement mûri avant qu'on décide du jour au lendemain de dire voilà, on a une association de fait, parce qu'en fait Espèce, c'est juste une association de fait, donc c'est juste le fait qu'on a décrété qu'elle existait, ce qui est assez chouette en soi, mais voilà, c'est juste ça. Et donc on est allé à Londres rencontrer l'association qui existe déjà, et de là on a créé une charte, créé tout un cadre et tout un processus qui fait que pour nous, enfin comme il est là pour l'instant, le processus est fait pour que ça passe le mieux possible entre les personnes invitées et les personnes hôtes. Ouais. Ouais, peut-être on peut commencer avec ça. Donc, pour les auditeurs, peut-être, j'espère que ça sera clair un peu plus. Donc, c'est vraiment une initiative solidaire de logement. Donc, vous cherchez vraiment à héberger des migrantes. Mm-hmm. Mais migrantes, c'est large. Est-ce que sur votre site, vous expliquez bien, mais est-ce que vous pouvez peut-être répéter qu'est-ce que vous voyez entre migrantes, tu vois? Donc, Ben, c'est toutes les personnes qui sont plus dans le droit à l'accueil officiel en Belgique. Et vu comment ça se passe pour l'instant, il y a de moins en moins de monde qui rentre dans ce droit-là. Donc c'est toutes les personnes qui sont soit déboutées de l'asile, soit sans papier depuis longtemps, qui n'ont jamais fait de procédure, soit entre de procédure et pour l'instant pas le droit, soit en régularisation et du coup de nouveau pas le droit à la queue officielle. Donc c'est vraiment toutes les personnes qui n'ont pas accès aux procédures officielles de logement. Et donc c'est très vaste effectivement. Ouais. Et comment ces gens-là peuvent vous trouver ? Comment ils peuvent s'inscrire chez vous ? Comment ça va le... procédure. La procédure qu'on a fixée, c'est que les personnes, donc les invités potentiels, invités, contactent une association qui travaille avec les migrants ou même pas, une association qui les soutient d'une façon ou d'une autre, et que c'est par cette association-là qu'ils nous contactent. Il y a un formulaire sur notre site internet qu'ils peuvent remplir en expliquant un petit peu leur situation, d'où ils viennent, depuis combien de temps ils sont en Belgique et quelle langue ils parlent, par exemple, pour nous organiser aussi si on a des hôtes qui parlent une langue ou une autre. Et voilà, nous, on reçoit les formulaires. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on répond à l'association en disant si oui ou non, d'emblée, on a de la place dans le réseau. Et si on a de la place dans le réseau, on organise une rencontre entre nous, la demande, la personne qui demande d'être hébergée, et potentiellement une personne de l'association, si le migrant ou la migrante le souhaite. Et voilà, on apprend à se connaître comme ça. Et en fonction de la demande et de disponibilité de nos hôtes, on organise une rencontre entre les hôtes et les invités, où on est présente et on explique, on repose le cadre, on explique qui on est, et voilà, on propose aux deux personnes de se lancer dans l'aventure. Deux ou plus d'ailleurs, c'est parfois des familles. Ouais, donc c'est aussi famille, ouais. Donc c'est pas seulement des personnes seules, Nous on n'a pas du tout de fixer De nombre, pas du tout. Par contre, ce qu'on a fixé, c'est un cadre qui est quand même assez, assez précis dans l'idée, et là on s'est inspiré très fort de l'organisation Londres, dans l'idée que plus on va faire un matching, plus on va respecter les réalités de vie de chacun, soit des hôtes et des invités, plus on a de chances que ça se passe bien. Donc on a bien conscience que c'est pas du tout évident de... Enfin, c'est pas quelque chose d'évident de loger quelqu'un chez soi, peu importe la vie qu'on a, c'est quand même parfois des expériences difficiles, et donc on a conscience de ça. Et via le cadre qu'on a posé, c'était vraiment dans l'idée que les personnes se rencontrent dans quelque chose de commun. Et donc le formulaire qu'il y a à remplir pour les autres et pour les invités est assez précis, parce que nous, on a vraiment envie de limiter les éventuels... frictions ou complications qui pourraient exister entre les personnes. Et donc c'est là l'idée de faire le matching vraiment, et ça c'est l'organisation de Londres qui le fait très fort. Alors on n'a pas fait exactement la même chose, on a mis notre petite touche là-dedans, puisque comme on a des expériences professionnelles, ça rate très très fort dans ce qui touche à la migration. Et moi maintenant je travaille dans une association où on réfléchit plutôt à la prévention des violences basées sur le genre. On a mis ensemble toutes nos expériences pour essayer de poser un cadre le plus bienveillant possible et le plus respectueux de chacun. Et qu'est-ce qu'est le rôle de l'association là-dedans ? Parce que... De maintenir le cadre. Ouais. Et comment les associations vous connaissent ? Est-ce que vous avez fait un tour chez les associations pour vous présenter le projet, ou comment ? Mais pas vraiment. En fait, ça faisait partie du plan. Ouais. Mais en fait... on voulait d'abord avoir des hôtes, plusieurs hôtes disponibles et des places dans un petit réseau avant d'informer le secteur, parce qu'on savait qu'on aurait toujours plus de demandes d'invités que d'hôtes disponibles. Et donc on s'est dit, on va d'abord faire le bouche à oreille entre nous dans notre réseau, famille, amis. Et comme on travaille dans le milieu associatif, ça touche déjà en fait pas mal d'associations comme ça, sans faire les démarches officielles. Et puis, en fait, ça a marché comme ça. On a fait un concert de soutien au mois de décembre pour lever des fonds pour l'association, parce qu'on a ce qu'on appelle un fonds de survie. Et donc, les personnes qui sont hébergées par Safe Space, on reçoit une petite somme d'argent par semaine pour ce qu'elles veulent, soit leur billet de transport, soit contribuer un petit peu dans la maison pour acheter de quoi manger. Enfin, voilà, comme elles veulent. Et donc, voilà, on récolte des sous pour ce fonds de survie. Et en fait, ce concert-là, on s'est rendu compte, ça a amené du monde. Ça a été vraiment plus loin que notre cercle réseau famille, amis. Et en fait, ça a fait qu'on a parlé de Safe Space. Et depuis, on n'a plus besoin de démarchage vis-à-vis des associations, parce qu'on soit maintenant... Il y a 3 ou 4 associations à Bruxelles qui travaillent des personnes en situation régulière qui nous connaissent. Et en fait... on a déjà beaucoup plus de demandes que de personnes hôtes pour le moment. Oui, parce que ça aussi, c'est une autre question. Est-ce que vous savez déjà qu'il y avait un réseau autour de vous, que vous disiez on peut compter sur eux déjà, c'est certainement, ça peut... Bah oui, il y avait, bah, déjà il y a nos collègues directs, que ce soit l'espace migrant, que ce soit le CIRÉ, qui étaient disponibles. Mais en fait, finalement, c'est pas spécialement via ces personnes-là qu'on a trouvé des hôtes. C'est vraiment via nos amis et familles qui ont eux-mêmes répercuté l'information. Et aujourd'hui, vraiment, comme dit Sarah, on n'est plutôt pas en train de chercher des partenaires associatifs parce que voilà, on doit en fait continuer de chercher les autres. Pour pouvoir continuer le processus. Parce que pour l'instant, là, on refuse beaucoup de demandes. On gère les quelques petites, les demandes qu'on a, et c'est pas toujours évident. Voilà, on a déjà dit, on travaille par ailleurs. Donc, je pense que si on était à temps plein toutes les deux là-dedans, on pourrait être ailleurs dans le processus, mais bon, voilà, malheureusement, on fait avec le temps qu'on a. Et effectivement, pour l'instant, c'était pas via les personnes qu'on pensait qu'on aurait, et c'est très bien comme ça. Il y a des choses associées qui nous contactent, et maintenant, on se limite à celles-là pour l'instant. Ouais. Et comment les autres, vous les se connaissent votre association, et comment, par quel biais vous avez... Alors, donc d'abord, effectivement, par un email vraiment dans nos réseaux, de nouveau, on a commencé par là, nos réseaux personnels. Et puis, on a fait un tout petit peu de communication. Maman, quand je travaillais au Centre bruxellois d'action interculturelle, il y a un article dans l'agenda interculturel avec un témoignage. Moi, j'ai hébergé une famille syrienne à la maison, j'ai écrit un témoignage, il y avait un appel dans l'agenda interculturel pour des autres potentiels. On a un Facebook. On a une page Facebook. On a un site. Ben voilà. Et on réseaute via ça. Ouais. Mais il faut qu'on le fasse plus et mieux. Ça, c'est sûr. On n'est pas, pas experte en com. La radio, voilà. C'est pour ça qu'on est là. Déjà un outil. Et au niveau des profils des autres, c'est un peu tous les profils, ou c'est beaucoup des familles ou des gens célibataires Alors, on s'est rendu compte déjà qu'à Bruxelles, avoir des personnes qui ont une chambre disponible dans un appartement, c'est assez rare. Parce qu'en fait, l'air de rien, ça coûte cher. Enfin, je veux dire, l'espace dans une ville coûte cher. Donc, on n'a pas énormément de personnes encore dans le réseau, mais on se rend compte, que ce n'est pas simplement avoir envie de le faire. Il faut vraiment le pouvoir. C'est pas quelque chose d'anodin. Donc, on a des profils un peu différents. On a, on a nous deux déjà. Donc, nous, on est Sarah, elle est en famille. Moi, je suis plutôt, je suis toute seule. Donc, là, c'est déjà deux profils différents. On a une autre famille dans le Brabant wallon. Avec trois enfants. On a un collectif à Liège qui sont... C'est une colocation. Une coloc, ouais, ils sont six. J'allais dire cinq, mais voilà. Voilà, ils sont cinq dans une grande maison. Ouais. On a un collectif à Bruxelles. Ils sont beaucoup. Ouais. Et on a un couple à Bruxelles. Mm-hmm. Donc on a un peu tous les profils et tous les âges. Ouais. Ah oui. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe crétin lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur. En s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Ben voilà, on va revenir sur ce que vous avez déjà commencé à en parler. Sur le profil, donc on a parlé un peu des profils des hôtes, c'est qui a envie d'accueillir des gens, c'est qui. Mais peut-être aussi ceux qui demandent, est-ce qu'il y a aussi peut-être un certain profil qui est plus demandé ou plus, qui accorde plus avec les hôtes. Par exemple, j'imagine juste si c'est une femme enceinte ou une femme avec un petit bébé, peut-être ça va peut-être de temps en temps plus vite pour... trouver une place, ou est-ce que ça, vous n'avez pas cette expérience-là? Est-ce qu'il y a aussi des hommes seuls qui trouvent un hébergement ou... On a eu tous les profils, en fait. Je vais commencer par la famille. Ouais, on a eu une famille syrienne, donc, de 4 personnes, donc un couple et 2 enfants en bas âge. On a eu un jeune Marocain tout seul. Et là, on héberge une dame avec son nouveau-né. Donc, c'est Meeting qui nous avait contactés. Et on a eu une femme seule aussi. On a eu une femme seule, oui, tout à fait. Donc en fait, on a eu toutes les possibilités. Ouais. Et donc là aussi, vous trouvez à chaque fois quand même un autre qui correspond, qui est d'accord. Ouais. Pour ces situations-là, oui. Oui, pour ces situations-là. Après, on en refuse presque une par jour. Et comment vous voulez dire refuser? Parce que ça ne s'accorde pas avec... Non, c'est juste parce que pour l'instant, le réseau, il est... limité. Il est plein. En fait, le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on a des personnes à Liège, à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Et qu'en fait, à Liège ou Louvain-la-Neuve, c'est vachement moins intéressant pour les personnes qui sont à Bruxelles, qui ont souvent un réseau déjà présent, et qui du coup ont leur connexion familiale, amicale, et puis aussi tout le réseau associatif qui est quand même très très présent, et qui n'ont pas envie de se ressortir d'un cadre qui est plus ou moins là. Et donc, pour l'instant, les hôtes de Louvain-la-Neuve et Liège sont très très demandeurs et demandeuses d'avoir des invités, mais on trouve pas en fait de personnes qui correspondent à ce profil-là. Et donc à Bruxelles, là on héberge pour l'instant une dame depuis un mois avec son petit bébé, 5 semaines avec son petit bébé, et elle va y rester elle jusqu'au mois de septembre, donc ce sera vraiment un hébergement long. Et elle a en plus un espoir après d'avoir des papiers, donc là normalement ça devrait bien se finir. Et donc voilà, elle voulait être à Bruxelles, et on a des demandes encore ces derniers jours, mais malheureusement, il faut à Bruxelles, et à Bruxelles, notre réseau, il est plein, puisqu'il est petit. Voilà. Et qu'est-ce que vous, concrète, vous faites, qu'est-ce que ça vous prend encore beaucoup de boulot entre-temps, une fois que la relation est faite entre les deux personnes? Est-ce que là, vous avez souvent des appels? Est-ce qu'il y a quand même certaines choses que vous devez encore faire en route? Combien de temps ça vous prend en général? Ça prend un peu de temps quand même. On est là, dans le cadre qui est fixé, en tout cas, on est en personne de contact. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a des questionnements ou des choses qui n'arrivent pas à se résoudre, entre directement avec les autres invités ou des questions pratiques, même parfois un peu, oui, de conseils socio-juridiques pour les invités qui savent que même, voilà, ils ont une association qui les a emmenés à Safe Space, mais qui se rendent compte que comme on a travaillé dans le domaine et qu'on a des contacts, nous aussi, de juristes, de volontaires, etc., on est aussi une source d'information pour leur situation. Et donc voilà, parfois ils nous appellent pour des questions par rapport à leur situation juridique. Parfois, quand avec des profils plus vulnérables, une dame qui a été hébergée avec un profil vraiment, vraiment vulnérable, une dame qui a subi des violences... très très grave, et donc il y avait un suivi médical important et des problèmes de santé, et qui parlait pas français, et qui parlait pas du tout français ni anglais, Donc voilà, là on était du coup plus, on intervenait plus pour, dans les démarches de suivi médical et de plein de choses pratiques pour aider les autres, pour un peu alléger le, voilà, le travail. Mais parce que les autres n'arrivent pas à communiquer alors vraiment avec la personne. Ce qui est important de rappeler quand même, c'est que nous, dans, notre, dans la charte qu'on avait écrite, on avait vraiment une volonté de rester un espace de sécurité mentale et physique pour les personnes invitées, mais qu'on ne prétend absolument pas être un service socio-juridique. Et ça, c'était très important pour nous de mettre ce cadre-là. Simplement parce qu'on ne peut pas demander aux personnes hôtes de faire ce travail-là. Et que ce n'est pas approprié, que ce n'était pas ça l'idée. L'idée du projet, c'est vraiment d'offrir à une personne un espace, même si c'est 2 semaines. On a une demande ici pour un monsieur qui sait très bien qu'il retournera dans la rue après, mais juste pendant 2 semaines, ça lui fait un repos mental et physique qui lui permet de faire des démarches qu'il n'a pas le temps de faire quand il réfléchit tous les jours où il doit aller dormir. Et du coup, l'idée de CSF, c'était ça. C'était vraiment de se limiter à ça. Dans les faits, c'est moins évident parce que fatalement, on est militante, on est concernée, et donc, si on fait cette démarche-là, il y a après le côté humain, et on s'est rendu compte des limites de chacune quand on a été confronté à des situations plus compliquées. Et c'est marrant parce qu'à nous deux, on se complète assez bien. Il y en a chaque fois une qui s'emballe pour une situation et puis l'autre qui est là pour calmer. Mais c'est vrai que c'est très important de se maintenir à ce cadre-là. Et maintenant, on est tout à fait consciente des limites que ça peut amener et que, a priori, les autres qui rentrent dans le réseau, ils sont aussi concernés et donc aussi probablement très, très... Enfin, envie de plus ou moins militant, mais en tout cas envie de s'impliquer. Et donc, la limite, elle est parfois compliquée entre le fait de savoir qu'on va loger quelqu'un pendant un mois et qu'après, quand on est devant le fait accompli, c'est beaucoup moins évident. Donc, on fait ce qu'on peut avec les aides qu'on peut avoir. Et donc, c'est vrai que nous, on s'est quand même investi pas mal dans le projet et dans les situations personnelles de chaque personne. Mais c'est vrai que le cadre, il était là à la base pour cette raison-là. Et je pense qu'on va s'améliorer aussi. Hein. Plus on va être soutenu, plus on va avoir de bénévoles, plus on va avoir un réseau grand. C'est ça aussi une question que j'avais. Est-ce qu'il n'y a pas un appel pour bénévoles? Est-ce qu'il Mais pour l'instant, c'est... Il n'a pas encore été vraiment fait parce qu'il faut qu'on le fasse et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on organise. Mais voilà, on est un peu surchargé dans nos vies, mais oui, ils font un appel aux bénévoles, c'est un de nos messages ce soir, ça c'est sûr. Mais on a déjà eu de l'aide, hein. On a rencontré un garçon qui nous fait un garçon, un homme, comment dire, une personne, qui nous a fait notre site internet. Notre nouveau site, on est en train de le travailler, on se voit bientôt là pour vraiment peaufiner. On a un ami juriste qui travaille au CIRE, qui est maintenant à la DDE, Jean-Charles Stevens. On a Léo qui fait de la trésorerie. Et on a eu aussi de l'aide pour notre communication aussi, quand même vachement sur le Facebook, etc. Donc on a eu de l'aide ponctuelle, mais il faudrait vraiment des personnes au quotidien qui peuvent vraiment nous soutenir. Pour accompagner plus les personnes des invités. Même si dans le cadre, on n'accompagne pas les personnes. Hein. Donc normalement... Non, pour nous accompagner, nous. Ah oui, pour nous accompagner, nous. Parce que normalement, nous, là, pour l'instant, ce qui s'est vraiment bien passé, c'était qu'à chaque fois, les associations partenaires qui nous ont contactés pour... La rencontre avec les personnes migrantes, elles ont quand même été vachement réactives et vachement soutenantes. Donc il y a eu Meeting, il y a Pigment, il y a Oumandou. Et à chaque fois, on a vraiment pu compter sur la personne relais de l'association. Oui. Donc nous, on pouvait les appeler pour proposer une solution, pour proposer un service d'aide ou quoi. Donc ça, c'est vraiment précieux. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on avait mis dans le cadre. Parce que les gens nous demandent souvent pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par une assoce. Et en fait, c'est une limite, on aurait pu la mettre ailleurs. C'est que nous, avec notre situation actuelle, comme on travaille par ailleurs, on a dit, c'est une façon pour nous qu'il y ait d'autres personnes en amont qui connaissent déjà les personnes invitées. Il y a déjà une relation. Et il y a un suivi socio-juridique existant ou pas. Hein. Peut-être que parfois, il n'y en a plus besoin et que voilà, c'est comme ça. Mais pour nous, c'est un espèce de nouveau, un garde-fou, un cadre qui nous permet de rester plus ou moins dans la charte qu'on avait écrite à la base. C'est vrai que vous avez aussi une demande pour le soutien financier. Est-ce que là, les gens réagissent plus qu'au niveau d'argent? Oui, en fait. Ouais, effectivement, je pense que c'est plus facile et c'est tout aussi bienvenu, il faut bien le dire, effectivement. Donc, et ça, c'est vraiment le modèle de l'association à Londres. Je pense que ça, on n'y avait pas du tout pensé avant d'aller rencontrer l'association à Londres. Ça fait partie de leur modèle de pouvoir donner un petit quelque chose pour que la personne puisse, si elle souhaite, contribuer ou pas, ou faire autre chose avec, mais voilà, leur donner un petit... petite allocation hebdomadaire. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, ben, il faut qu'on mette le paquet par rapport à trouver des financements pour ça. Et c'est vrai que le concert a bien marché pour lever des fonds, mais aussi surtout en termes de communication. En fait, maintenant, on a des gens régulièrement qui nous envoient des dons qu'on ne connaît pas. On ne sait pas d'où ça vient. Et on reçoit des dons, et parfois importants, de personnes qui disent juste, voilà, belle initiative, bravo. Et donc, ça, de nouveau, c'est sorti de notre cadre. Voilà, amis, famille, ça, c'est chouette. Les mots commencent à circuler. Je pense que c'est plus facile de soutenir financièrement que de devenir hôte. Oui. Bah, du coup, c'est là que j'aurais envie d'intervenir parce que, du coup, moi, je m'appelle Colline. On a été amenés avec des amis à se rencontrer un peu par le hasard de la vie autour de situations comme ça de migrants qui traversent nos réseaux et qu'on est amenés à accueillir, à accompagner, mais de manière en fait assez... c'est une surprise en fait, disons. Et du coup, on s'est réunis entre amis à réfléchir à la question-là et aussi entre amis insurgés par la situation de la gare du Midi, puisqu'on est, on est proche de ce lieu où se sont réunis pas mal de gens en migration. Et du coup, j'ai été moi-même, je rebondis là-dessus par rapport à la question de l'argent, parce qu'en fait, on n'est pas un collectif ni une association, mais juste une bande d'amis qui réfléchissons à ça. Et j'ai été surprise en fait de voir à quel point... en fait, de nombreux citoyens sont inquiets et tristes aussi de l'accueil qu'on fait à toutes ces personnes et se sont manifestés financièrement parce que c'est une façon peut-être simple. Et je pense que les gens sont aussi dépassés par l'accueil à la maison. Comme on l'a dit, c'est difficile de remettre des gens à la rue. Les situations sont insolubles pour beaucoup et on ne sait pas très bien ce que vont faire les gens ensuite. Et c'est vrai que l'investissement financier est un investissement peut-être plus simple, mais ô combien aidant. Du coup, ça nous a nous-mêmes aidés parce qu'on a été amenés voilà, à accueillir des gens qui sont passés par nos réseaux en via-via. Et du coup, on a pu comme ça aider ponctuellement des personnes. Et je suis bien contente en fait de rencontrer Safe Space parce que je me rends compte que c'est un peu l'émergence, enfin ce qui a émergé chez nous, je répète du coup dans cette bande d'amis, c'est un peu la même chose je pense qui a émergé chez vous et c'est bien de fédérer ce genre de mouvement. Donc allons-y. Surtout aussi trouver des gens pour accueillir, pour héberger, parce que c'est vrai que c'est ça. C'est... Voilà, alors nous, on s'est un peu organisé comme ça, d'amis en amis, mais de manière... En fait, ce qui est aussi très questionnant pour nous, c'est que c'est à nouveau les personnes qui sont elles-mêmes en situation précaire, qui se retrouvent à accueillir des gens qui sont en situation encore plus précaire. Mmh. Et ça crée effectivement pas mal de précarité. Du coup, c'est la question qu'on pose, c'est comment ouvrir... l'hébergement aussi chez des personnes qui auront peut-être plus de moyens mais qui n'ont pas forcément un regard social sur les choses et qui ont besoin d'être en fait sensibilisées. Donc c'est aussi un peu notre envie bon, en fait il y a plein d'idées qui émergent finalement parce qu'on est aussi une bande de révoltés et on a envie de bouger les choses mais on ne sait pas exactement dans quelle direction aller. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de la sensibilisation des publics parce qu'en fait, il y a quand même encore des gens qui ont des moyens et qui seraient sans doute de bonne volonté, mais qui ne savent pas comment. Moi, je le vois en parlant autour de moi, rien que ma famille. L'argent qui est arrivé, je trouve ça fou parce qu'en fait, enfin, je m'attendais pas à ça. Ouais. Et je vois que les gens pourraient, dans un cadre, ouvrir la porte et dire... et dire bienvenue. Et ce qui est frappant, c'est de voir en fait que finalement, on n'est pas si bien informé de la situation des migrants. Et quand je parle, moi, des situations précises, en fait, que quand on donne un visage aux migrants, les gens, d'un coup, se reconnaissent aussi dans ces parcours et se disent, tiens, si c'était moi... Voilà, c'est tout ce travail de sensibilisation, je pense, qui est important de le faire. Je ne sais pas si c'est un volet... Enfin, j'imagine que si, par le concert monde, et tout ça. Plus il y aura du monde qui le fait, plus ça deviendra quelque chose de commun, en fait, de décider de faire ça à un moment de vie. Hein. C'est peut-être pas toute la vie. Hein. Il y a plein de gens qui ont, à un moment donné, pendant 6 mois, un espace disponible, et puis qui l'ont plus. Mais si ça devient quelque chose de commun et de démystifier aussi, et aussi un peu dédramatiser... Et la foire aux questions, c'était ça l'idée, c'était que les gens qui se font une montagne de stress en ayant des questions et voilà, ne pas avoir de réponse, mais l'idée c'était de pouvoir leur répondre à des questions vraiment pratico-pratiques, que c'est normal de se poser, mais plus ça va devenir dans la norme, si on peut dire, de le faire à un moment de vie. Alors, moi je pense que là, on aura vraiment réussi ce truc de réseau, quoi. Oui, en fait, vas-y. Non, je voulais dire que cette idée de sensibilisation, ça fait partie du rêve. Safe Space au début, moi c'est mon métier, pour le moment je sensibilise des adultes aux questions migratoires. Et donc moi dans mon rêve c'était, on va avoir tellement de demandes d'autres qu'en fait on fera des réunions d'information sur le projet qui seront en même temps des séances de sensibilisation aux migrations en général. Donc ça c'était le plan idéal. Et c'est vrai que pour le moment, ben voilà, on cherche des autres et on n'a pas encore de quoi faire des réunions collectives pour informer les autres. Mais effectivement il y a un travail énorme, t'as tout à fait raison, de sensibilisation. Et qui se fait du coup pas de façon formelle comme ça par des séances d'info collectives, mais en fait par nos emails à nos réseaux et à nos familles, on a sensibilisé les personnes à la situation, nos familles ont rencontré les familles hébergées chez nous, enfin voilà, et du coup il y a une sensibilisation un peu de fait qui se fait, mais qui n'est pas encore... Et que j'aime bien aussi sur votre site, que vous expliquez comme un bien, que vous ne faites pas vraiment de division, et que vous n'allez pas dire « Ah oui, telle personne, elle mérite peut-être plus que d'autres. » Parce que souvent, quand il y a eu quand même le parc Maximilien avec des demandeurs d'asile, c'était beaucoup pour les Syriens. C'était vraiment, et là, c'était aussi « Ah oui, les gens viennent de la guerre et tout ça. » Et ça a vraiment créé quand même dans l'opinion publique, ah oui, eux, les méritent, mais les autres pas, et les autres, ils doivent se dégager. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort que vous mettez ça clair dans votre site, votre... Ah oui, nous, c'est même plutôt pour les autres. Hein. Enfin, ouais, dire, les personnes qui peuvent rentrer dans le réseau de l'asile, comme les personnes syriennes qui viennent de Syrie, ben, ils seront... Bon, c'est vrai que là, la crise, il y a eu à un moment donné un embouteillage, et donc c'est ça qui a fait la problématique, mais toutes les autres personnes qui sont là depuis parfois 15 ans, qui viennent d'autres pays, où effectivement, ils sont invisibilisés dans la crise, ils ont été invisibilisés, et encore aujourd'hui, on se doute pas du nombre de personnes qui sont encore là. Et donc, nous, c'est vrai que c'était aussi pour ces personnes-là, pour tous ceux qui sont qui tombent entre les mailles du filet. Ouais, voilà. Et ça, c'est plus difficile aussi pour sensibiliser. Allez, tu vois, c'est un plus grand débat souvent pour mener. Oui, il y a pour quand même dire aux gens, il ne faut pas faire de distinction. Il y a une hiérarchie qui existe très fort, effectivement, et qui s'est fort ressentie dans le parc Maximilien, effectivement, concrètement, entre les migrants à ce moment-là, des personnes des collectifs sans papier qui sont mobilisées pour soutenir les réfugiés, les demandeurs d'asile syriens. Et il y a eu effectivement, c'était compliqué. Il y a, je pense, dans l'opinion publique, très fort une hiérarchie. C'est aussi les médias qui jouent cette... Mais, et d'ailleurs, je trouve même qu'il y a un peu des idées reçues sur la question de la migration, mais aussi sur la question des accueillants. Parce qu'en fait, si je développe mon idée, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de personnes se sentiraient prêtes à accueillir, mais qu'il y a tellement de... C'est tellement confus, en fait, dans la tête des personnes, ce que c'est l'asile, ce que c'est qu'être sans-papier. En fait, la réalité du sans-papier, elle est assez mal connue. Et je vois aussi dans la tête de mes proches d'énormes déclics sur qu'est-ce que ça signifie d'avoir des papiers et ce que c'est de pouvoir traverser des frontières et cette liberté-là. Et le fait de rencontrer, de mettre des visages en fait sur la migration, c'est aussi se dire, tiens, moi si je voulais aller là ou là, je pourrais pas, je serais pas libre de ça. Et je trouve que ça fait partie des déclics que les gens ont. Et en fait, je crois que ce qui pourrait être chouette, c'est aussi de s'afficher en tant qu'accueillant. Parce que finalement, je trouve que dans ce qui court un peu dans les rumeurs et tout, c'est que est-ce qu'on est légal d'accueillir ? Est-ce qu'on est légal d'employer des gens qui n'ont pas de papier ? En fait, les gens ne savent pas ça. Mm-hmm. Et je vois beaucoup de gens qui veulent tendre la main, mais qui se disent, est-ce que je suis dans la légalité ? Mm-hmm. Et ça, c'est hyper questionnant, parce que est-ce que c'est légal d'aider son prochain, de tendre la main, d'ouvrir sa porte ? Et je trouve que c'est hyper répandu comme question. Ouais. Mais c'est légal. Ouais, c'est la page d'accueil de notre site Safe Space pour le moment. Effectivement, surtout dans les médias, on parle beaucoup de ce délit de solidarité en France qui existe, effectivement. Donc soutenir des personnes en situation régulière en France est un délit. Ce n'est pas le cas en Belgique. Pour des raisons humanitaires, c'est tout à fait légal d'héberger, de transporter, de nourrir. Voilà. Venir en aide aux personnes en situation irrégulière en Belgique, c'est légal. Ouais. Et c'est un message très important à faire passer et que, voilà, qu'on essaie de faire passer à travers... Je trouve aussi bien ce que vous dites aussi sur votre site, c'est que si la police vient à votre porte, il ne faut pas ouvrir la porte, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir. Non. Parce que c'est vrai, ça peut que les gens ont peur qu'ils viennent peut-être chercher les gens, ils vont peut-être venir arrêter les gens chez moi. Tu vois, ils reviendront là, peut-être après avec une commission rogatoire, mais la première fois, ils viennent sans commission rogatoire, ça c'est sûr. Et donc, si on n'ouvre pas, on n'ouvre pas, c'est tout. Ouais. Mais ça, c'est un important message à dire, parce que souvent, les gens, quand ils voient la police, ils pensent qu'ils sont obligés de réagir, d'obligés de suivre les commandes. Ils en jouent d'ailleurs, hein, je pense. Ils profitent de ça. Et puis, je pense, qu'il y a un message fort aussi de dire que, je trouve que le message qui circule beaucoup, c'est que la population est inquiète des migrants. Ces derniers temps, il y a eu pas mal de contrôles de police vers les personnes sans papier. Et le justificatif, c'était de dire qu'il fallait protéger, par exemple, les usagers de la STIB. Alors que moi, je prends le métro tous les jours, je me sens pas inquiète, moi, de gens qui sont à mes côtés dans le métro. Je trouve que c'est une prise d'otage de dire finalement que nous, bons citoyens, nous sommes inquiets de la meute de migrants qui arrive. Et ça, j'ai l'impression que finalement, c'est tellement dit qu'on finit par s'identifier à ça et à se dire, bah oui, c'est vrai que j'ai peur au fond. Alors qu'en fait, à la base, la peur n'existe même pas finalement. Mais sauf que tout est mélangé en fait. C'est tellement plein de messages contradictoires qu'on se retrouve à se dire, je ne sais plus où j'en suis par rapport à ça. Je préfère ne rien faire parce que ça a l'air tellement complexe d'accueillir. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un geste extrêmement basique. Enfin, même si c'est complexe dans le quotidien et jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut donner de la place dans sa propre vie. Mais je trouve qu'il y a plein de messages contradictoires qui font que finalement, on en perd le geste spontané. Et ce qui est important de rappeler aussi par rapport au fait qu'en Belgique, ça n'est pas illégal donc, d'héberger une personne sans papier, il y a même un détail qui peut être important, c'est que ça n'est pas possible donc, pour les personnes qui émergeraient au CPAS ou qui seraient au chômage, par exemple, ne seront pas impactées dans leurs droits financiers si jamais c'est officiel dans le sens où la personne peut dire à la commune pour une aide médicale urgente, par exemple, donc si jamais j'héberge chez moi et que je suis demandeuse d'emploi et donc je suis de plein droit au chômage et que j'héberge une personne sans papier et que la personne sans papier va à la commune dire qu'elle habite chez moi pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale urgente, mon droit ne peut pas être modifié parce que la loi en Belgique dit que en fait, et là c'est peut-être un des rares avantages, c'est que comme une personne sans papier n'a pas le droit d'être là, elle n'est officiellement pas là, et bien elle n'est officiellement pas là. Et donc, les personnes n'auront pas d'impact sur leur revenu, CPS et chômage, et ça c'est aussi important de le dire. Donc ça n'est non seulement pas illégal, mais en plus il n'y a pas d'impact financier dans des situations de précarité qui pourraient être un frein aussi. Ben non, moi je ne peux pas habiter avec quelqu'un parce que alors je perds mon allocation de chômage. Ça c'est aussi important de le dire. Ouais. Oui, parce que souvent, il y a même la famille qui veut accueillir une personne de la famille sans papier et qui ont peur de perdre leur CPS et autre chose. Mais quand même, tu vois, quand ils font des enquêtes sociales et quand ils voient qu'il y a plus de monde qui habite... Bon, après, ça dépend du statut de séjour. Hein, ouais. Donc, il y a des nuances à apporter, effectivement, en fonction du séjour qu'on a. On ne va pas faire un cours là-dessus, c'est vraiment très compliqué. Mais voilà, a priori, si je suis... C'est mieux de demander quand même un avis quelque part. Mais en tout cas, il faut dédramatiser ce truc de... Oui, c'est vrai, bon, en plus avec les réformes du chômage, pour l'instant, il y a vraiment tellement de choses négatives qui peuvent arriver qu'il y a aussi ce tabou-là, quoi, par rapport aux pertes d'allocations éventuelles. Je venais, tu ne me parlerais pas pour rien. Tu déposerais ton képi, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic, hein. Christophe, représentant de la force publique. Si tu savais d'où je venais, je demanderais si je vais bien, tu m'offrirais à déjeuner. Tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à l'été prochain. Tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi t'es un gamin. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. Mais tu es un flic. À parler de bandits, de salauds, de vendus, de représentants de la force publique. J'étais né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler, mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs, les peuples entiers dans la détresse. Et toi tu es flic. Soyez-en sans flexibilité de la volonté de l'autorité publique. Les armes que tu as vendues chez moi. Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable. Mais tu es le bras de l'idée. Et cette idée sans toi n'est qu'une idée. Oh, cette idée sans toi n'est qu'une idée. Un gamin de gamin, 6 milliards de gamins. Après les bandits, salauds, vendus, représentants de la force publique. Tu savais d'où je venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire. Le gars qui me dit que je dois me taire. Tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains. Tu me laisserais du répit, au moins jusqu'au siècle prochain. Tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins. Un gamin de gamins, 6 milliards de gamins. Donc on a parlé un peu, il y a encore plein de choses à vous en parler, j'imagine. Mais peut-être quand même un peu abondir comme une expérience, comment ça s'est vraiment passé pour vous personnellement, si vous avez accueilli des gens chez vous. Et c'est vrai que pour les gens qui peut-être qui hésitent encore, comme vous avez dit, vous faites aussi des périodes plus courtes. Après un bout de temps, ils peuvent quand même dire bon, ça va, ou c'est ma limite, ou ça va plus. En général, la période de base est fixée au début. Donc, au début de l'hébergement, on fixe une période dans un conseil d'hébergement d'une semaine ou de deux semaines, et on réévalue. Et donc, effectivement, la durée, c'est très clair au début pour pas qu'il y ait d'inconfort entre la personne est chez nous et on ne sait pas trop quand ça va s'arrêter et comment ça va se passer. Donc ça, c'est très clair dès le début, effectivement. Est-ce que vous avez des expériences des gens qui hésitaient un peu et qui ont dit finalement, ah oui, ça va, il y a un clic, je continue. Ouais. Comme l'exemple que vous avez donné de la femme avec la petite. C'était un hébergement de 15 jours qui avait été prévu et puis qui s'est allongé à un mois. Et puis en fait, ce sera jusque septembre. Ce sera 7 mois, ouais. Donc voilà, avec des évaluations régulières. Mais une fois, là, ici, dans cette situation-là, une fois qu'on a. Il y a eu pas mal de boulot pour nous, pour rencontrer la personne, pour rencontrer la SOS qui nous avait contactés, pour mettre d'accord Bon, après, les autres ici sont nombreux en plus, donc il fallait vraiment que tout le monde soit d'accord, parce que ça ne peut pas marcher s'il y a une personne qui n'est pas d'accord dans l'habitation. Mais maintenant que c'est installé, nous, ça roule, hein. Enfin, ils sont en contact ensemble et. Là, on intervient plus. Sauf s'il y a un souci compliqué et qu'on a besoin d'un regard extérieur sur une situation. Mais là, a priori, jusqu'à septembre, on est parti. Je vais juste rebondir sur l'expérience de famille accueillante. Donc moi, j'ai accueilli une famille syrienne pas longtemps, pendant 6 nuits. Mais j'avais un bébé de 3 mois et un enfant de 3 ans et demi. Et je pense que peut-être parfois, les familles qui ont les enfants se disent... on a déjà beaucoup de boulot à la maison et c'est compliqué. Et ça a été une expérience exceptionnelle pour nous et pour mes enfants. Enfin, c'était vraiment c'était magnifique pour les 4 enfants de se retrouver. Donc c'était 2 petits Syriens. Mon mari et moi avons étudié l'arabe et donc on parlait arabe avec les parents, mais en fait c'était des Kurdes. Donc les enfants ne parlaient pas arabe. Donc avec eux, nous, on ne savait pas communiquer, mais mon fils a joué avec eux pendant une semaine. Enfin, ils étaient comme des frères, quoi. Ils ont joué, ils ne savaient pas se parler, mais ils étaient... hyper contents de se retrouver après l'école. Ils ont partagé des moments vraiment, vraiment chouettes. Voilà, le réfugié syrien berçait mon bébé de 3 mois et s'occupait de ma fille comme... presque comme si c'était la leur. Il y a eu vraiment eu des grands moments de rencontre et de partage Donc voilà, avoir des enfants, en fait, ça facilite presque. Je me demande s'il n'y a pas aussi une espèce de, j'allais dire grossièrement, une pratique de l'étranger, mais dans l'idée que peut-être les gens qui accueillent, en tout cas les gens autour de moi qui accueillent sont des gens qui ont pas mal voyagé et qui sont aussi habitués au premier... un peu le choc de la différence, quoi, de dire ok, comment on fonctionne, cette différence que je perçois chez l'autre, est-ce que ça empêche l'amitié, est-ce que ça empêche la rencontre, et peut-être c'est là aussi encore ce travail de sensibilisation, de dire qu'en fait très vite on peut se rencontrer et très vite se rendre compte qu'en fait au-delà des habitudes et des coutumes de vie quotidienne, il y a la rencontre. Et c'est vrai qu'effectivement les enfants sont sûrement... J'ai eu le cas de ma nièce qui a rencontré... Ma nièce qui a 8 mois, grosso modo, et qui a beaucoup joué dans les cheveux de la personne qui est passée dans notre réseau. Et en fait, ça a brisé la glace tout de suite et ça a créé, en fait, effectivement, des rencontres. La rencontre se fait, quoi. Mmh. Je trouve ça assez beau, en fait, comme expérience. Mmh. Oui, il y a plusieurs... nous, il y a aussi une expérience d'une dame seule qui ne parlait donc pas français, pas anglais, et qui ne savait pas lire non plus, donc on n'aurait pas pu employer Google Translate, par exemple. Et donc, on a pu discuter. Elle est restée 5 semaines dans le réseau, donc chez moi, et aussi dans notre réseau, dans la famille Hello-Vanneuve, on s'est partagé. Et voilà, c'était une situation compliquée, dans une très grande vulnérabilité, une dame qui a été pendant 1 an et demi dans un centre d'accueil, mais qui n'a pas du tout été, les centres ne font pas ça, hein, mais qui n'a pas du tout été autonomisée, et qui du coup est sortie de ce centre en état de choc par rapport à son refus, et en plus ne parlant pas la langue, n'ayant rien connu de la ville ni du pays dans lequel elle était pendant un an et demi. Mais malgré ça, même si c'est vrai que là ça a été particulièrement compliqué, parce qu'il fallait vraiment réapprendre la rue, lui proposer de faire des choses, et qu'il a vraiment fallu du temps, même alors qu'on ne parlait absolument aucune langue en commun. Alors évidemment, on a appelé des interprètes de temps en temps quand il a fallu vraiment expliquer des choses importantes, mais pour le quotidien, même avec des gestes, juste des gestes, c'était... Et là, de nouveau, mon fils qui a 4 ans, qui lui a parlé exactement comme si elle parlait français, alors que pas du tout, elle a dû se demander quoi, mais ça s'est passé aussi. Et là, on a eu l'expérience vraiment de... Tout le mot safe space a pris son sens, parce qu'elle est arrivée dans le réseau en état de choc, dans une situation vraiment très très compliquée, et après 5 semaines, elle a vraiment pu se reposer, et physiquement et mentalement. Et voilà, après elle a décidé de poursuivre sa route, et on ne sait pas ce qui lui arrive maintenant. On sait juste qu'elle va bien, mais en tout cas, les 5 semaines au calme, dans un espace en sécurité, ça a vraiment fait l'effet que nous on voulait à la base. Donc on pourrait se dire aussi, hein, donc les enfants c'est une frontière, le travail, la langue, mais en fait non. Donc comme tu dis, il faut déconstruire toute cette peur de la différence et de tout le confort qu'on peut imaginer, parce que dans chaque situation, on peut trouver du lien, on peut trouver de l'expérience et on peut trouver du partage, quoi. Ce qui peut être aidant aussi, c'est de se rencontrer entre accueillants, j'imagine. Mais je vois dans notre toute petite expérience, c'est vrai que de pouvoir se réunir convivialement, régulièrement, et dire ah, tiens, comment ça se passe, surtout je trouve que ça rassure par rapport au côté insoluble parfois des situations d'illégalité, mm-hmm. où on se dit mais ça sera sans fin, que vont devenir ces personnes, et crée aussi une responsabilité, c'est-à-dire qu'être en amitié avec quelqu'un, ça sous-entend aussi un peu s'engager auprès de lui, et donc parfois ça paraît tellement insoluble comme situation que ça fait un peu peur. Et c'est vrai que de se réunir entre personnes qui accueillent, on se sent plus léger, en fait, on a moins ce sentiment de responsabilité, mm-hmm. Face à la situation administrative parfois très lourde des gens. Ouais. C'est vrai que c'est une bonne idée. Bon, je crois qu'on avait prévu à la base, mais comme on n'a pas beaucoup, beaucoup d'hôtes pour l'instant, ça ne s'est pas encore mis, mais ça serait une bonne idée. En tout cas, la famille hôte de Louvain-la-Neuve qui a hébergé la dame seule pendant 2 semaines et qui était prête à héberger celle qui est maintenant sur Bruxelles, mais voilà, c'est pas possible parce que de nouveau il y avait ce truc de dire une nouvelle, de partager des expériences. Elle va témoigner pour le magazine Micmac du Ciré. De nouveau aussi pour partager son expérience. Donc elle est très très demandeuse d'avoir du suivi, de rencontrer des gens et d'avoir d'autres personnes. Donc c'est vrai qu'il y a une demande en plus. C'est une des choses qu'on doit faire sur notre liste. Peut-être on peut... Donc les personnes sont hébergées pendant un certain temps, c'est-à-dire ça peut durer 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, nuit. Une nuit. Et une nuit, c'est quoi, c'est un hébergement d'urgence pour une nuit, quelqu'un qui a besoin de se reposer pour une nuit et c'est tout. Oui. Mais quand, par exemple, c'est des périodes de longue durée et que ça, bon, y a quand même une durée limitée. Qu'est-ce qui se passe après pour les personnes ? Alors, il n'y a pas de durée limitée, c'est-à-dire que la limite, ce sont les hôtes qui les posent en fonction de leur envie, leur disponibilité et des besoins des invités. Mais quand la limite est fixée, c'est effectivement 15 jours et pas plus, ce qui a déjà été le cas une fois. Mais ça fait partie de ce dont on parle avec les autres quand on les rencontre la première fois. C'est un gros obstacle pour les personnes pour rentrer en réseau. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois que nos limites ont été atteintes et qu'il n'y a pas de solution pour la personne. Donc c'est un travail que nous on fait avec eux. Il faut valoriser et reconnaître l'importance de ce que vous avez pu amener pendant une nuit, deux nuits, 10 nuits, 2 semaines. Ça, c'est l'espace de sécurité mentale et physique que vous avez apporté. Ça vaut de l'or, et même si effectivement après la personne retourne dans des situations très précaires, et ça peut être le cas, on essaie en fait de valoriser ce qu'ils ont pu faire, et nous on fait ce qu'on peut pour trouver soit un ou une autre dans le réseau, mais on est très honnête dès le début en disant que voilà, peut-être qu'on ne t'aura pas trouvé une solution. On sait des personnes qui n'ont effectivement parfois pas de solution à long terme et qui peuvent rentrer dans le réseau, ressortir et se retrouver à la rue pendant un mois et peut-être revenir dans le réseau à un autre moment en fonction des disponibilités des personnes. Mais voilà, c'est un gros travail d'explication et de valorisation de ce qui peut être fait dans les limites. Une nuit, deux nuits, voilà, c'est déjà super. Mais c'est le plus compliqué aussi. Enfin, je veux dire, c'est très important de se rendre compte que même une semaine, ça peut avoir de l'importance. Ça peut vraiment avoir cet effet de repos sur la personne hébergée. Maintenant, humainement, c'est compliqué. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des gens qui sont concernés, qui sont qui seront très très conscients de la difficulté de la situation, et donc du coup c'est d'autant plus difficile, mais c'est comme ça. Et on ne pourra pas changer le système, enfin je veux dire, si on pouvait donner des papiers et ouvrir les frontières, nous on l'aurait fait depuis longtemps, mais en attendant, ces personnes n'auront pas de papiers après 15 jours. Voilà, peut-être que oui, mais dans la majorité des cas, des personnes qui sont visées dans notre public, non. Et d'ailleurs, là, on a une demande pour une personne migrante qui est sans papier depuis 15 ans, qui sait très bien qu'il n'y aura pas de solution pour lui, et il demande juste une semaine de repos. Voilà, pendant une semaine, pouvoir arrêter de se demander où il va aller, pendant une semaine, arrêter de faire le tour de tous les services d'aide, et puis après une semaine, il repart pour 3 mois. Et c'est ça demande. Et il est tout à fait conscient. Mais voilà, c'est... C'est vrai qu'il y a encore l'accueil d'hiver, mais bientôt c'est voilà, fini. C'est fini. Mars, aujourd'hui. Oui. Donc c'est vrai que là, je peux imaginer que là, dans cette période-là, ça peut soulager des gens pour pas devoir aller tout le temps là-bas. En fait, j'aurais envie de dire que la durée limitée de l'accueil, c'est un frein parce que c'est vrai que ça fait mal de remettre quelqu'un à la rue. Mais en même temps, ça devrait pas l'être dans la mesure où de toute façon, la personne, c'est sa situation, c'est son existence, c'est sa vie, sa réalité. Ouais, exactement. Et du coup, c'est déjà effectivement mieux que rien et ça crée quand même du lien. C'est comme dire bonjour à une personne de la rue. C'est pas grand chose, mais c'est quand même quelque chose de dire que, ok, je te sauve pas la vie, mais en même temps, j'essaye de te la rendre un peu moins difficile, le temps de te reposer. Je vois bien, moi, dans les gens qui sont un peu passés dans notre réseau, ils arrivent éreintés, et puis quand même, une personne éreintée peut pas trouver de solution dans tous les cas. Hein. La fatigue crée des effets psychologiques qui fait que t'as moins de ressources. Donc rien que le fait de manger bien et dormir et se laver, prendre soin de soi un temps dans un environnement safe, comme vous le dites, c'est déjà énorme en fait. Mais je pense que ça compte vraiment pour la personne soi-disant seule, tu vois. Parce qu'on est dans le comité de femmes sans papier, on soutient. Et là, c'est l'horreur, je trouve, tu vois. C'est des familles avec des enfants qui vont à l'école. Si eux doivent être mis dans la rue, c'est à chaque fois catastrophe. Mmh. On voit vraiment leur situation. Et c'est vrai qu'heureusement, il y a de temps en temps encore des squats, des sans-papiers eux-mêmes qui s'organisent pour ouvrir des maisons. Mais même avec des familles, avec des enfants, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent longtemps non plus dans ce type de logement. Et voilà, peut-être on n'en a pas trop parlé maintenant, mais bon, il y a quand même l'ami des béguinages, tu vois, c'est une paroisse qui, avec des conventions, ils cherchent des appartements pour loger les familles, les femmes avec des enfants, mais c'était aussi une procédure de limite de 6 mois. Mais à chaque fois, c'est l'horreur, quoi. Après 6 mois, allez, tu vois, c'est comment continuer avec. Heureusement, maintenant, on a fait la demande aussi via un meeting, tu vois, pour finalement, elle a trouvé une autre solution par une autre ASBL, mais c'est vrai que. Qui ont juste donné leurs locaux, tu vois, une bibliothèque qu'ils ont transformé en appartement. Mais c'est vrai que, allez, tu vois, pour les familles, je trouve que c'est quand même encore plus. On voit les gens dans la rue, hein, on voit plein de familles dans la rue, hein, on le voit tous les jours. Mais ouais. Ce qu'il y a, c'est que là où on aura envie d'appuyer, c'est de dire que c'est effectivement à nouveau des familles précaires qui accueillent d'autres personnes précaires et que c'est un travail de pompier, en fait. C'est de l'urgence et c'est vrai qu'on attend avec envie et impatience des décisions plus larges et des prises de conscience politique. Ça va de soi de dire ça, mais néanmoins, on les attend. Et du coup, de pouvoir dire comment on sort de ce mécanisme d'urgence et d'accueil d'hébergement temporaire et quels moyens on met, quelles sont les structures publiques qui peuvent héberger. Parce que c'est vraiment, ça doit être aussi dans un safe space, tu vois, aussi pour les familles, ça doit être vraiment un logement avec une convention, que c'est pas juste un squat où ils peuvent être virés à chaque moment, où il y a la police et tout ça qui vient. Et c'est ça aussi, c'est la question de safe space, mais je pense qu'il y a moyen, il y a de plus en plus, je vois un peu ça reste très limite, tu vois. Mais des petites ASBL souvent, qui commencent quand même à chercher des solutions. Mais c'est jamais en long terme, parce que les demandes sont énormes, et c'est alors qu'ils commencent à donner des règles, comme, ah oui, mais qui est le plus urgente, et tu vois, et ça reste... Et comme disait Colline, c'est important de rappeler aussi que les personnes, elles sont au courant de la situation dans laquelle elles sont, et que... Il y a un moment donné, il faut aussi lâcher et faire confiance aux personnes et pas vouloir s'approprier absolument une espèce de sauvetage qui est complètement vain. En plus, ici, c'est vraiment essayer de garder la réalité et d'être très, très au clair sur ce qu'on est prêt à donner et que, effectivement, même si c'est plein de problématiques, surtout quand il y a des enfants qui vont à l'école et que c'est épuisant de devoir réfléchir tous les 2 mois où est-ce que je vais habiter. En attendant, chaque nuit qui est passée qui est passée dans un endroit à sécurité est une nuit qui fait du bien. Et les personnes qui sont dans le réseau en tant qu'hébergées sont conscientes de ça et il faut aussi leur faire confiance. Alors je dis pas qu'il faut accepter, hein, c'est pas ça. C'est plutôt que la situation de la dame qui a décidé du jour au lendemain de continuer sa route, même si elle a été dure. Bon, après, elle était chez moi, donc là, ici, l'autre, c'était moi, et donc il y a tout ce truc du lien qui s'était fait. Et on m'a demandé, comment tu te sens? J'ai décidé que, voilà, elle sait ce qu'elle fait, elle a fait son chemin, elle a fait son chemin jusqu'ici, elle n'a pas eu besoin de moi pour venir jusqu'ici, elle a pris sa décision et elle est maintenant assez en sécurité pour continuer sa route. Et quelque part, c'est super, même si c'est terrible. Oui, non, je ne vais pas dire que, c'est comme tu dis, hein, c'est mieux déjà ça que rien, hein, de toute façon. Et toutes les petites initiatives peuvent compléter un peu plus les choses. Oui, je pense que tu as raison d'insister sur la résilience des personnes. C'est des personnes qui, on parle des réfugiés syriens, qui sont arrivées jusqu'ici avec des parcours migratoires absolument effroyables, dangereux, voilà, qui sont arrivés jusqu'ici et qui sont d'une grande vulnérabilité et en même temps d'une immense résilience. Et donc, effectivement, comme dit Laura, toi tu parles de confiance, mais c'est savoir qu'effectivement, ils sont dans une situation de survie et malheureusement, ils savent ce que c'est la survie et ils s'en sont sortis jusque-là. Et donc, toutes les petites choses qu'on peut apporter peuvent aider. Mais effectivement, c'est pas... C'est pas pour ça qu'on tolère, ouais. Mais c'est important de se le rappeler quand t'es haute, tu vois, pour essayer de moins se tracasser. Et puis d'accueillir. Sinon, tu ne peux pas. Voilà, c'est ça. Et évidemment, si on peut avoir des personnes qui accueillent sur du long terme, pendant 4 ou 5 ans, des gens, des familles, des enfants, c'est super. Mais en fait, on est bien conscient que ça, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, mais c'est vrai, comme tu dis, il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir le logement pour pouvoir le faire. Mais peut-être qu'il y a... Et moi, je fais un appel aussi pour ce réseau-là, quand même, de commencer à ouvrir des logements et faire des conventions et essayer de faire des choses en plus long terme. Tu vois. Et en fait, le réseau à Londres sur lequel on s'est un peu basé pour se construire, lui, en fait, c'est ça. C'est en fait des hébergements à plus long terme. Ouais, ouais. C'est parfois pendant 10 ans. Ils existent depuis 20 ans. Ils ont, je pense, 8, quand on les a allés voir il y a un an, ils avaient 8 hébergements en cours, mais il y en a qui étaient vrais depuis 10 ans. Donc voilà, c'est un profil de migrant un peu différent à Londres. Il n'y a pas une grande arrivée, par exemple, de Syriens au Royaume-Uni, mais c'est des personnes qui sont en situation irrégulière depuis très longtemps. Et voilà, là, ils ont 6 ou 7 ou 8 autres qui peuvent, ils accueillent littéralement des gens chez eux pendant une décennie. Donc, c'est des personnes qui font partie de la famille. C'est des grandes qui... histoires d'amour. Quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, voilà, ça existe. Des citoyens et des citoyennes prêtes à faire ça. Et on les cherche à Bruxelles. Oui, c'est ça. Non, je sais, je connais aussi une initiative, c'est à Leuven. Et ça, c'est vraiment, c'est des gens qui ont donné l'argent pour même acheter une maison, je pense, tous ensemble. Ah ouais. Mais c'est vrai, c'est aussi un peu en urgence. Donc, c'est aussi des demandeurs d'asile, souvent, mais aussi sans papier, je pense. Mais c'est aussi pour une période pour... régler toute l'affaire, pour régler toutes les choses. C'est clairement pas le même profil de personnes migrantes. Hein. En Belgique, il y a énormément de monde, il y a énormément de profils qu'en Angleterre. Il y a énormément de monde aussi. Il y a énormément de monde, mais il nous a bien dit que c'est pas vraiment la même urgence. Voilà. Il y a en plus, je pense, il y a une loi qui, par rapport aux familles avec les enfants, il expliquait que c'est pas possible en fait, qu'ils se retrouvent à la rue et que du coup, les profils, c'était plutôt des femmes seules ou des hommes seuls. Qui sont entre les mailles du filet, mais qui sont quand même moins nombreux que... Mais pour ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris en Belgique. Pourquoi ils font pas l'accueil toute l'année? Pourquoi il y a que l'accueil d'hiver? Tu vois, c'est vrai que je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà bossé dessus et qui ont déjà 1000 fois fait des actions. Mais ça bouge pas, c'est incroyable. Ouais. Sur la route, il vient d'arriver. Il s'approche vers l'officier de frontière et lui en prie. Aide-moi à passer la frontière, je me suis échappé de la galère, s'il te plaît. Aide-moi à passer la frontière, car dans mon pays y a la guerre, je t'en prie. Aide-moi à passer la frontière, je ne peux plus subir cette misère, je t'en prie. Aide-moi à passer cette frontière, je suis habitant de cette terre. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix, mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix, mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Er floh vor dem Krieg, war einsam, als hier ankam. Kam mit leeren Händen, weil sein Haus abgebrannt war. Fühlte sich hier fremd, war von Beginn an gebrandmarkt. Hoffnung war es, was in diesem Land sah. Die Leute fragten ihn, wo kommst du her, wann gehst du wieder? Sie sahen ihn niemals. ein Dieb, Schmarotzer, Schmuggler, Drogendealer. Statt frei zu sein, saß er nun drei Richtern gegenüber. Sein Schicksal lag in ihrer Hand und er war der Verlierer. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, er musste im Asylheim leben, durfte sich nicht frei bewegen, Residenzpflicht sprach dagegen. Keine Arbeit, keine Knete, Essensmarken, Fresspakete, eingepfercht auf wenig Meter, Mütter, Kinder, Onkel, Väter. Er hoffte, dieser Albtraum würde bald zu Ende gehen, doch die Behörden machten ihm das Leben unbequem. Die Verzweiflung fraß ihn auf und ließ ihn untergehen. Er wollte hier doch nur in Freiheit und in Frieden leben. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Ça fait déjà un bon moment qu'il vit ce nouveau pays, mais il a toujours l'impression qu'il n'est pas bienvenu. Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi j'ai pas le droit de circuler librement? Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi j'ai pas le droit de travailler? Je comprends pas. Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi je dois rester dans un foyer enfermé? Dis-moi, en tant que réfugié, pourquoi ils veulent me renvoyer? Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour, il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. Des fois, il ne sait pas comment continuer sa vie. Des fois, il se retrouve dans le désespoir. Car en venant ici, il espérait d'avoir la paix. Mais chaque jour il vit avec la peur de se faire expulser. C'est pour Diallo, brûlé par la police. Pour Diallo, victime de la justice. Pour Diallo, et tous les réfugiés, qu'on leur donne des papiers et la paix. Pour Diallo, brûlé par la police. Ben voilà, Pauline, tu nous avais emmené un texte, oui, de témoignage de des gens qui t'ont accueilli, c'est ça, hein? C'est ça, c'est une amie qui a écrit un texte concernant la situation de personnes qui sont passées par chez nous. Je veux bien partager avec vous. Okay. Ils sont arrivés un soir de mars. Ils ont 20 ans, dont 3 sur les routes. Les routes, le désert, la mer, les montagnes, les rails de chemin de fer, les rues de quelques villes, les frontières. Obstinément abordés, toujours cadenassés, jusqu'au franchissement. Ils ont foulé la poussière, la boue, les pierres et les vagues, pas les airs, se sont hissés dans tous les véhicules, mais pas l'avion. Ils ont connu toutes les couches, la tôle des camions, la tôle de béton, les sables du Sahara, le bois usé des bateaux, les rochers des montagnes, l'herbe des forêts, la crasse des gares. Ils ont subi tous les refoulements, ballottés de murs en barbelés, de casques à képi. Ils ont enduré tous les dénis, marchandises pour les uns, menaces pour les autres. Ils sont partis enfants, d'un pays où l'enfance finit à 16 ans, une kalachnikov trop lourde entre les mains. Ils ont 20 ans, leurs yeux en disent 2000. Ils sont arrivés un soir de mars. Ils avaient trouvé en France soutien et repos auprès du Frenchman, homme de bien. Contact, réseau et amitié l'ont mené jusqu'à nous. Il nous les a envoyés, pariant sur une affinité de résistance, de solidarité. Elle n'a pas failli, évidemment. Bruxelles, gare du Midi. Après l'angoisse d'un numéro inatteignable depuis leur téléphone, indispensable bagage de l'exode moderne. Après 3 jours à vaciller autour de la gare, où ils se résigneront à s'étendre, pas à dormir, c'est plus possible, parmi une 50aine d'errances qui ne sont pas les leurs. Ils ne sont pas errants, ils sont migrants. Ils ne sont pas laminés, décrochés, hébétés, abandonnés, bourrés ou camés. Ils sont migrants, ils sont fatigués, apeurés, essoufflés, mais déterminés. Il leur a fallu 3 jours pour nous rejoindre, 72 heures pour franchir le kilomètre 5 qui nous sépare. Un nous rassemblé dans l'urgence, balbutiant mais présent. Avant, ils avaient traversé la Méditerranée, en 6 heures ou en 6 jours, selon que la plage était libyenne ou égyptienne. Le sac de pain et le sel, le sec du pain et le sel de l'eau pour toute substance. Une femme qui accouche au fond de la barque, les gosses qui ne hurlent plus. Ils ont compris que la houle mortelle durera jusqu'à la fin du voyage. Que la fin du voyage est chaque vague glacée qui les gifle. Les plus harassés qui ne résistent pas, immédiatement réduits à des paquets qu'on balance au flot. Marchandises désormais inutiles pour les adjudants des passeurs. Espace récupéré pour les passés qui étirent leurs membres engourdis. Non, refuser le soulagement, garder l'humanité même si on ne peut plus pleurer. Avant la Méditerranée, c'était le désert. Les cadavres desséchés, balises sinistres de la piste de sable. Ils n'ont pas détourné les yeux. Regardez, pour conjurer le sort, refuser la condamnation, garder la force. L'un arrive au Caire, l'autre à Tripoli. Leurs couleurs les désignent. Crachats, injures, rebuts, esclaves, supplétifs des patrons de l'Europe, les sbires libyens ont été nommés chasseurs de migrants. Formés à la traque, ils font bien leur boulot. Les patrons sont contents. Ce sera les cachots infâmes où les peaux noires s'entassent jusqu'à étouffer. Ici, pas de récit, mais on devine les coups, les humiliations, les viols, la soif et la faim. On les rejette au désert le jour de l'Aïd. Miséricorde dévote, simulacre d'humanité. Avant le désert, c'était le Soudan parce qu'il fallait gagner de l'argent. Argent, fric, flouze, pognon, monnaie, monnaie, monnaie. You have money? How much? Il faut 4000 dollars pour monnayer la vie. Ils disent que pendant des mois, ils n'ont plus entendu que ça, monnaie, qui n'était plus que ça, qu'il n'existait pas pour ces gens, tous ceux qu'ils ont croisés sur la route. Ils s'en foutent qu'ils vivent, qu'ils meurent, il faut de l'argent. Ils ont sué cet argent par tous leurs ports, à Khartoum et au Caire, le prix du passage de l'enfer au purgatoire, le prix de 6 heures ou de 6 jours. Le prix pour changer de continent, pour changer de flic, d'exploiteur, pour changer de passeur, pour changer de décor. Seulement de décor. Débarquement en Italie, flic. Pas méchants finalement, ils ont vu pire. Dépassés, ils sont trop nombreux les migrants. Go, just go. Ils filent vite sans demander leur reste, demandent à d'autres survivants de la traversée la direction de la France. La France parce que Calais, Calais parce que l'Angleterre, l'Angleterre parce que... It's my dream, I did all that for my dream. Mais c'est difficile tu sais, I know. Beaucoup en meurent, I know. Il faudra payer encore, I know. Les mafias, I know. C'est dangereux, I know. C'est dangereux pour vous et c'est dangereux pour nous. I know and you know. Oui. Ils sont arrivés un soir de mars. Ils ont 20 ans, ils vont poursuivre leur route. Ils ont repris leur souffle, sont un peu réparés. Ils ont délié leur corps. Ils ont parlé de leur vie, nous des nôtres. On a dansé aussi, on a ri, trinqué, échafaudé, mitonné, bouillonné. On a conspiré. Oui, on a conspiré. Ils vont s'en aller. Leurs pas tracent l'épopée sans fin de ceux qui débordent les murs assassins. Oh, merci beaucoup. Avec plaisir. Je pense que je reconnais la plume. Ah, eh bien tant mieux. Je la remercie d'avoir écrit un si beau texte. J'espère qu'elle nous écoute. Mais voilà, c'est une vraie réalité, quoi. Ouais. C'est un visage, c'est des parcours. C'est des gens qui ont besoin qu'on tende la main, en fait, vraiment. Mmh. Mmh, tout à fait. Bon, voilà. Tendre la main, c'est comment? Comment? En devenant hôte, ça, ce serait super. Ou alors, en étant bénévole, on recherche des bénévoles pour nous soutenir parce que, voilà, on a besoin de volontaires pour gérer notre site, on a besoin de démarcher les autres, on a besoin d'aller voir les assos aussi, à un moment donné, pour essayer quand même de nous faire connaître et d'essayer de leur expliquer ce qu'on a besoin. On a besoin, évidemment, d'argent. Comme Sarah l'a expliqué, on a un fonds de survie parce qu'on donne une allocation pour les personnes qui sont dans le réseau de 25 euros par semaine, par adulte, ce qui n'est pas grand chose, mais voilà, on a fait un petit on a essayé de trouver une bonne solution, donc voilà, donc des hôtes, des sous, des volontaires. Et ça tout ça ils peuvent reconstituer. Et alors, pour tout ça, oui, on a un site internet. Il va bientôt changer, c'est ça. Est là, mais il est un peu en travail et c'est un peu long et lent parce que notre volontaire, il est pas du tout en Belgique. Donc on se voit là bientôt, donc on espère que là après on pourra le gérer nous-mêmes. C'est www.safespaceinitiative.be. Ça c'est le nouveau site. Ça, c'est le vrai site. En fait, ouais, nous on a fait un blog et lui il nous a fait un site. Okay. C'est un travail. Bravo. Ouais. Le site est en route. Il est en route, il est peut-être un petit peu moins agréable à consulter pour l'instant que le blog parce qu'il est vraiment en travaux. Ok. Ouais. Mais sinon, l'adresse email safespaceinitiative@gmail.com. Ouais. Mm-hmm. Et dans Google, de toute façon, avec Safespace Initiative, on tombe dessus. Ouais. Il faut marquer Safespace Initiative. Oui, je sais pas pourquoi. Ouais. Il faut mettre marquer. Safespace Initiative. Il faut juste Safespace, ça tombe. Ça, c'est des associations de, oui, c'est des de trucs, je sais soutien pas homosexuel. C'est un concept. C'est contre l'homophobie, ouais. Et moi, j'ai cherché à un moment, je n'avais plus retrouvé le site. Et du coup, Safespace, je ne trouvais pas. Puis j'ai fait toute la liste comme ça. Je suppose que plus on va le chercher, plus il va apparaître vite. Mais pour l'instant, si on met que Safespace, effectivement, c'est plutôt. C'est une autre lutte aussi, tout à fait très chouette. Hein. Donc, heureusement, ce n'est pas un site dégueulasse. Donc, c'est une autre cause très chouette. Mais pour nous, il faut Safespace Initiative, puisque c'est Safespace Initiative solidaire de logement pour migrants. Le titre en entier. Et du coup, nous aussi, on a une adresse mail, notre bande d'amis, là. Si vous avez envie de nous rejoindre, filer un coup de main ou discuter, si vous accueillez vous-même des gens et que vous avez besoin d'échanger là-dessus, vous pouvez nous écrire à zemen@liste.riseup.net. Riseup, R-I-S-E-U-P. Peut-être on peut mettre aussi sur le blog Tranjanar. Oui, oui, certainement. Et tu peux répéter le blog encore. Ah oui, c'est Tranjanar, tranche en singulier. Voilà. Donc tranjanar.noblogs.org. Donc tranjanar.noblogs.org. Et sinon, vous cherchez sur le site de la radio, radioairlibre.be, et là, d'une manière ou l'autre, vous allez le trouver aussi. Bon, bien, merci énormément pour cette initiative. Merci à vous. Et merci aussi à vous pour venir ce soir en parler en studio. Et Colline, toi aussi, bien merci pour votre initiative et pour venir parler et rejoindre nous tous. Merci à vous de nous avoir mis en contact. Oui, enfin. Oui. Mais il y a encore d'autres qui veulent être mis en contact avec vous. Et c'est ça. Donc voilà, ça sera chouette. Ok, on termine avec une petite musique et après l'agenda. Et on va dire au revoir de Sarah et Laura. De toute façon. Bonne soirée. Merci de l'écoute. Ouais. Je pense à toi, je t'écris une trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe, c'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma vie. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil. étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Tout n'est pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris.